En tant qu'historien du domaine, je ne peux que me réjouir de voir aujourd'hui renouer le lien entre Versailles et Marly. Et le fait que ce colloque se tienne ici est évidemment un signe fort de cette réappropriation. Car pendant longtemps, Marly a été un peu, il faut le reconnaître, le parent pauvre des politiques publiques, mais aussi dans une large mesure de l'historiographie. Heureusement, les choses évoluent et les dernières décennies témoignent d'un vrai regain d'intérêt pour la création disparue du Roi Soleil. Le XIXe siècle, qui avait tristement commencé avec la totale destruction des bâtiments, a été sur ce point une période particulièrement sombre. Si Auguste Alexandre Guillaumeau, sous le Second Empire, tente de faire revivre par la gravure la résidence disparue, si les projets dessinés par Lebrun pour les pavillons latéraux sont intégrés par Henri Join au volume qu'il consacre à ce peintre en 1889, les rares auteurs qui écrivent alors sur Marly se bornent à reprendre le témoignage des mémorialistes et à citer et reprendre les descriptions anciennes. C'est le cas pour Louis Ducieux qui y réserve un chapitre dans son livre sur le château de Versailles. C'est le cas aussi pour Eudore Soulier, qui a été conservateur du château, vous le savez, dans le petit opuscule qu'il publie avec son gendre, Victorien Sardou, qui lui a été le premier président des Amis de Versailles. La place donnée aux mémorialistes n'est au reste pas surprenante quand on se souvient que Soulier et Ducieux ont tous deux collaboré à l'édition de plusieurs sources fleuves essentielles pour les règnes de Louis XIV et Louis XV, le journal de Dangeau et les mémoires du duc de Luynes. Ces publications de sources auront d'ailleurs été la grande contribution du siècle. On peut remarquer chez Soulier, sous l'influence sans doute de Saint-Simon et sous celle peut-être aussi de Michelet, le regard assez critique porté sur Louis XIV et à travers lui sur Marly. À Versailles, écrivait-il, on voyait le roi. À Marly, l'homme se laissait voir et il s'en fallait que de la vie même des contemporains, l'homme fût aussi grand que le roi. Après Soulier, un de ses successeurs à Versailles, Pierre de Nolhac, s'est intéressé au château de Marly, auquel il a consacré en 1901 un petit article dans la Revue Bleue. Pour la première fois, on voit ébaucher une chronologie du chantier, appuyée sur la publication des comptes des bâtiments du roi, qui s'achevait alors. Mais les travaux ultérieurs de Nolhac, s'ils ont profondément renouvelé l'histoire de Versailles, ne lui ont pas fourni l'occasion d'approfondir cette trop rapide approche. Le souvenir de Marly, c'est vrai, a suscité aussi l'intérêt d'historiens ou d'érudits locaux pour lesquels l'histoire du château n'est qu'une composante parmi d'autres de l'histoire de la commune. Le premier exemple en est l'histoire de Marly-le-Roi publiée en 1904 par Camille Piton. Ce Marlyquois d'origine, peintre de son état, a produit là un ouvrage assez décousu, d'où l'architecture et les décors sont à peu près absents. Néanmoins, il apportait un certain nombre d'éléments sur l'histoire des lieux. Dans son livre sur Versailles, Pierre Verlet évoquera plus tard la peine des hommes qui avaient œuvré à sa construction. C'est un aspect que Camille Piton faisait déjà ressortir pour Marly à partir des registres de la paroisse. D'après ses décomptes, 22 décès seraient directement liés au chantier sur le deuxième semestre de 1679, et cela témoigne éloquemment de l'extrême difficulté d'une entreprise comme celle-ci avec les moyens dont on disposait alors. L'entre-deux-guerres marque un tournant dans la perception du lieu et Marly commence alors à sortir de l'oubli. On le doit notamment à l'action d'une association locale, les Amis du Vieux Marly, créée en 1924 et devenue en 1931 le Vieux Marly, une association qui existe toujours. Depuis son rachat par Napoléon, l'emprise du château n'était plus considérée comme une simple annexe de la forêt voisine, ce qui explique son rattachement à l'administration des eaux et forêts après 1871, donc après la chute de la monarchie. Témoignant de ce changement de regard, l'étendue du petit parc est partiellement classée en 1928 et elle l'est totalement au titre des sites en 1933. L'année suivante, le domaine, au moins 54 hectares du domaine, sont affectés au service des bâtiments civils et palais nationaux, et un programme de rénovation des jardins est engagé sous la direction de l'architecte Robert Dany, un chantier qui sera repris après-guerre, mais qui restera malheureusement inachevé. Au-delà des interventions sur le terrain, cette nouvelle impulsion s'est traduite par des publications plus nombreuses. En 1926, la Gazette illustrée des amateurs de jardins a consacré à Marly une de ses livraisons sous la plume de Charles Morichaud-Beaupré. Celui-ci posait une question essentielle, celle des sources de Marly, question essentielle tant le projet tranche profondément et en de nombreux points sur toutes les autres créations de la période. Original, il l'est d'abord par le plan centré, adopté pour le château, un plan prisé par les théoriciens de la Renaissance, mais très rarement utilisé en France. Original, il l'est par son insertion dans l'espace même des jardins et par les alignements de pavillons qui encadrent la composition. Original, il l'est enfin par le choix de la peinture à fresque pour le décor des façades, là encore un choix à peu près unique dans l'architecture française. Mais sans entrer dans le détail, le futur conservatoire de Versailles se bornait à suggérer quelques pistes possibles d'inspiration, celles des villas suburbaines d'Italie, celles aussi de l'Antiquité. Par le nombre et la qualité de ses marbres, notait-il, ces jardins font penser aux villas des Césars, par sa situation et ses jeux d'eau à celles des peintres italiens du XVIe siècle. La maison est à l'italienne, placée à flanc de coteau de manière à varier les vues, d'un côté par la lente descente des terrasses et des parterres, de l'autre par une brusque remontée fort propre à recevoir l'un de ces théâtres d'eau qui, outremont, semblait indispensable à l'ornement des jardins. Encore que sur ce point, il est bon de se souvenir que le développement de chutes d'eau est totalement absent du premier projet d'aménagement. Pour la première fois, la revue proposait des reproductions d'un certain nombre de planches tirées des albums aquarellés conservé par les Archives nationales, qui constitue une de nos principales sources iconographiques sur Marly et qui ont fait depuis l'objet d'une publication beaucoup plus large dans un volume paru en 1998 et récemment réédité. La période qui suit voit sortir sur le sujet un nombre croissant d'articles, soit dans le cadre de la revue de l'histoire de Versailles et de Seine-et-Oise, soit après 1931 via le bulletin du Vieux Marly. Un de ces articles est particulièrement important, c'est celui que Ragnar Josephson a consacré en 1928 au plan primitif de Marly. L'historien de l'art suédois y publie un document qui renouvelait profondément notre connaissance du projet d'origine, puisqu'on y découvrait que le roi avait prévu non pas 12, mais 24 pavillons dans le premier plan. Plus largement, il faisait valoir l'intérêt des collections du National Museum de Stockholm pour l'histoire de cette résidence, comme d'ailleurs des autres chantiers de Louis XIV. Dans cet article, Josephson observait que Marly est le seul grand château entièrement projeté et réalisé pendant le règne du roi. Ce n'est exact que si l'on exclut Clagny ou le Grand Trianon, mais il est vrai, en revanche, que c'est sans doute le seul cas où le roi Soleil soit parti d'un terrain totalement vierge, puisque partout ailleurs il s'est appuyé sur des éléments préexistants qui ont déterminé au moins l'implantation et les axes des nouvelles constructions. Toujours dans la revue de l'histoire de Versailles, on peut citer encore deux articles de Ferdinand Boyer, publiés en 1935 et 1936, sur la dispersion du décor sculpté après la Révolution, ouvrant la voie à d'autres travaux qui viendraient retracer le devenir de cet exceptionnel patrimoine. La période a vu sortir aussi quelques ouvrages, le principal étant celui publié en 1934 par Émile Magne. Ce dernier était un historien de l'art, et pourtant son livre, malgré un état des sources très fouillé, apparaît essentiellement comme une évocation un peu anecdotique de l'installation royale à Marly. L'architecture et les décors n'y sont évoqués qu'incidemment, et l'absence d'illustration n'aide évidemment pas à leur compréhension. Un trait frappant de l'ouvrage est le jugement extrêmement négatif que son auteur porte sur Mansart, qui aurait pris l'ascendant sur Louis XIV par une habileté sournoise, une soumission continue, une flatterie persévérante. Il ajoute plus loin qu'il excellait à s'attribuer le mérite de ses subalternes. C'est à reprendre, mais sans apporter plus de preuves, des allégations formulées deux siècles plus tôt par Saint-Simon. d'un genre très différent, et la publication faite par Alfred Marie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où il livrait une iconographie importante et souvent inédite. Le texte d'accompagnement, en revanche, se bornait à une introduction trop rapide et, pour cette raison sans doute, parfois approximative. En réalité, sans méconnaître d'autres publications intermédiaires, je pense aux articles publiés par Georges Poisson en 1963 et 1964 dans la revue suisse de Versailles, il faut attendre les années 70 pour que les historiens d'art commencent vraiment à approfondir le sujet par une étude sérieuse de la documentation disponible, et force est de constater qu'il s'agit souvent de chercheurs étrangers. Je pense d'abord à Gerold Weber, le spécialiste des jardins, qui a publié en 1975 un article fondateur dans le Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte. Je pense ensuite, mais ils sont présents ici, ils auront l'occasion d'intervenir, à Betsy Rosasco, qui a consacré sa thèse au décor sculpté de Marly sous Louis XIV, et qui en a dressé un catalogue, ou à Claudia Hartmann, qui s'est livrée à une analyse approfondie de l'étonnante architecture de ce château éclaté. Ces travaux, qui ont été publiés dans leur langue d'origine en 1986 et 1995, ont profondément renouvelé la connaissance et la perception que l'on pouvait avoir de Marly. D'abord, ils ont permis d'asseoir sur des bases solides la complexe chronologie du projet, notamment pour les premières années, car rien ne serait plus faux, là comme ailleurs, et pour d'autres chantiers de Louis XIV, d'imaginer que le roi était parti avec une idée définitivement arrêtée de ce qu'il voulait faire, et même de l'usage exact qu'il aurait de cette nouvelle résidence. Ils ont ensuite permis d'avancer sur la question des sources de Marly. Au-delà des références à l'Italie, des réminiscences évidentes de l'Antiquité, Claudia Hartmann a proposé une piste nouvelle, celle des ermitages, qui a inspiré le sous-titre de son livre « Une chartreuse mythologique ». Une idée particulièrement intéressante a été de rechercher, dans l'expérience propre de Louis XIV, à Versailles, la clé des solutions adoptées pour Marly. Gerold Weber avait noté que le motif de pavillon régulièrement réparti le long d'axes plantés avait été mis en œuvre à Versailles pour la création de la ville neuve, et il est possible, en effet, que l'expérience ait pu inspirer l'idée de ces alignements de pavillons que l'on retrouve à Marly, mais cette fois totalement intégrés à un environnement de verdure. Le choix de façade peinte a par ailleurs amené Claudia Hartmann à faire le rapprochement avec les architectures éphémères qui ont meublé la perspective du Grand Canal pour les fêtes éblouissantes données à Versailles en 1874 et reprises en 1676. Et le rapprochement paraît particulièrement pertinent puisque le premier essai de mise en peinture des pavillons de Marly fin 1679 a été fait précisément par des artistes qui avaient participé à ces décors. Par ailleurs, grâce aux travaux de Gerold Weber et Betsy Rosasco, grâce à des travaux complémentaires comme ceux d'Ingrid Dennerlein sur le jardin français au XVIIIe siècle, on a pu mesurer mieux le rôle que Marly a joué dans l'évolution tant de l'art des jardins que de la sculpture de plein air. Il serait cependant injuste de dire que les Français n'ont pas pris leur part dans cette redécouverte de Marly. Sur la sculpture, il convient de faire une place particulière aux travaux de François Souchal. Je pense à son catalogue des sculpteurs français édité en Angleterre ou à son livre sur les frères Coustou, paru en 1980, où il soulignait déjà l'importance majeure des décors de Marly. Sans oublier, bien sûr, le très important travail mené par Geneviève Bresque-Bautier dans le cadre de ses activités au département des sculptures du Louvre. Un travail qui a consisté d'abord dans le recensement des œuvres subsistantes, puis dans leur regroupement avec un certain nombre d'acquisitions, et l'occasion en a été fournie par l'aménagement de la cour Marly dans le cadre du Grand Louvre. On peut évidemment regretter que ces œuvres ne soient pas revenues plus tôt sur le lieu même de leur création, comme cela avait été envisagé avant-guerre et même réalisé pour les deux chasseurs de Coustou, replacés sur le fer à cheval à l'arrière du château. Cela étant, une mise à l'abri de ces sculptures, dont beaucoup étaient très abîmées, une partie avait été exposée à Paris aux Tuileries, d'autres à Brest où ils avaient souffert de l'air marin. Donc une mise à l'abri était devenue incontournable. Et sur ce point, il faut se réjouir de la politique engagée pour ramener les œuvres principales sous forme de copies, même si sans doute il resterait à faire pour améliorer leur mise en contexte et accroître ainsi leur pouvoir d'évocation de ces décors disparus. Les travaux réalisés ne se sont pas limités aux sculptures. Le mobilier du château au XVIIIe siècle a donné lieu à une étude très précise et documentée de Stéphane Castelluccio, publiée en 1996 par la Réunion des musées nationaux. On peut y suivre espace par espace l'évolution des décors et de l'ameublement du palais royal sur une période qui va bien au-delà du règne de Louis XVI sur lequel il est centré. Aux travaux des chercheurs, il faut bien sûr ajouter l'apport des expositions organisées par les musées ou les institutions culturelles. Celle que le Louvre a consacrée à Lebrun en 1963 avait ainsi permis d'identifier les projets du peintre pour le pavillon royal. Celle organisée en 1985 à l'Institut culturel suédois sur Versailles et Stockholm a été l'occasion de présenter un certain nombre de documents tirés des collections suédoises. Le musée promenade de Marly-Louvciennes, créé au début des années 1970, a de son côté contribué, bien évidemment, à une meilleure connaissance de Marly grâce à des expositions souvent bien documentées, parmi lesquelles on peut citer celle de 1993 sur les châteaux de faïence ou celle de 1999 sur le décor de l'appartement du roi. Pour la première, il a bénéficié d'un autre apport qui est celui de l'archéologie. Reprenant des expérimentations initiées dès les années 30, plusieurs campagnes de fouilles ont été menées par Bruno Benz, qui s'est présent à partir de 1984, permettant de mettre au jour des restes plus importants qu'on pouvait l'imaginer, des décors de faïence des bassins des Carpes, pourtant tous disparus puisqu'ils ont été détruits dès le lendemain du règne de Louis XIV, ou des décors également du pavillon des bains, donc qui a occupé un des 12 pavillons latéraux. En ce qui me concerne, c'est par un biais différent que j'ai été amené à m'intéresser à Marly, celui du lien avec Versailles et avec le territoire. En effet, il n'y a pas seulement une communauté d'origine entre les deux chantiers. Ces châteaux sont bien, jusqu'à la Révolution, les deux têtes d'un seul et même ensemble, avec d'un côté ce qui était devenu la résidence officielle de la monarchie, et de l'autre, ce qui était dorénavant la résidence privée où n'était admise qu'une poignée de privilégiés. Le lien, il est d'abord institutionnel. Dès l'acquisition de la terre de Marly en 1676, c'est l'intendant de Versailles, Bontemps, qui en assure la gestion. Et quand le château est construit, c'est lui qui est chargé d'organiser les voyages de la cour et de distribuer les logements. Pendant tout le XVIIIe siècle, les gouverneurs garderont le double titre de gouverneur et de capitaine des chasses de Versailles et Marly. Mais le lien est physique aussi, puisque les deux châteaux sont reliés après 1683 par un même parc, ce qu'on appelle le Grand Parc, et la création après 1700 d'un nouveau parc de chasse autour de Marly, qui englobe bientôt toute la forêt, ne fait pas disparaître ce lien. De ce fait, l'ermitage Louis XIV occupait déjà une place importante dans ma thèse sur le domaine, qui a fait l'objet d'une édition chez Picard en l'an 2000. L'opportunité de la rencontre avec un éditeur suisse, Paul-Philippe Vogel, m'a fourni l'occasion d'y revenir dans une monographie publiée 2 ans après, monographie dans laquelle je me suis bien sûr efforcé d'intégrer l'acquis des diverses recherches antérieures. Depuis lors, les amis du musée de Marly ont pris une initiative heureuse en créant en 2007 une revue baptisée Marly, art et patrimoine, sous l'égide de Bruno Benz, une revue qui s'est révélée un utile moyen pour relayer les travaux et les informations et dynamiser la recherche autour du domaine. Ainsi, la connaissance de Marly a-t-elle bien progressé depuis 50 ans, ce qui n'empêche qu'il reste un certain nombre de points d'ombre ou de discussion. C'est le cas notamment pour ce qui était une des grandes originalités de Marly, le décor peint des façades. Curieusement, aucun document ancien ne nous restitue de façon précise l'élévation avec les couleurs employées. C'est le cas même pour l'élévation de la façade nord du château qui figure dans les albums aquarellés des Archives nationales où elle est figurée en grisaille. Mais cela relève peut-être d'un choix volontaire à une époque, à la fin du règne, où cette polychromie devait apparaître un peu dépassée. Il y a beaucoup d'inconnus aussi sur l'iconographie, puisqu'on est loin de disposer de relevés précis pour l'ensemble des façades. Sur la polychromie de ces décors, Bernd Dams et Andrew Zega ont proposé récemment quelques restitutions dans un ouvrage sur les palais du Roi Soleil paru à Londres en 2002. Mais pour les pavillons latéraux, les auteurs se sont appuyés sur les projets de Lebrun et non sur les élévations réalisées. Quant au pavillon royal, la restitution est loin de lever toutes les incertitudes. Le travail en cours au musée Promenade pour la réalisation d'une maquette virtuelle le montre bien. La publication s'inscrit par ailleurs dans un autre débat, qui est celui des auteurs de Marly. La place occupée par les décors peints les a en effet conduits à attribuer à Lebrun un rôle majeur dans la conception du projet. C'est à vrai dire une position un peu isolée. Il y a, je crois, aujourd'hui un relatif consensus pour reconnaître en Jules Hardouin-Mansart l'acteur principal du projet, sinon comme concepteur, au moins comme maître d'œuvre des pensées royales. La part de Louis XIV étant certainement essentielle, tant le projet est original. Louis Hautecoeur, dans son Histoire de l'architecture française, qui était paru en 1948, avait tranché la question de façon un peu lapidaire en écrivant que le détail est l'œuvre de Lebrun, l'ordonnance générale appartient à Mansart. Il associait cependant le nom de Lenôtre à l'aménagement des lieux, mais la part exacte que ce dernier a pu prendre dans le chantier reste discutée. Pierre Benoît doit intervenir cet après-midi sur les jardins et ce sera sans doute l'occasion de revenir sur cette question. Le tricentenaire de la mort de Mansart en 2008 et les réalisations qui l'ont accompagné ont permis de ramener sur lui les projecteurs, ce grâce notamment à l'exposition présentée au musée Carnavalet sous la direction d'Alexandre Gady et au volume qu'il a accompagné ou qui a été publié un peu plus tard. Une autre publication importante est celle de Bertrand Gestas qui fait la synthèse de ses travaux sur l'architecte, synthèse évidemment attendue et qui enrichit le dossier tout en soulevant certaines questions. Sur le démarrage du chantier, l'auteur fait état de correspondances qu'il a retrouvées à Chantilly qui laisserait penser qu'en juin 1679, la localisation exacte du château faisait encore débat. Dans la mesure où les travaux étaient alors engagés, je serais enclin à penser que la succession d'informations contradictoires reflète plutôt le secret qui a dû entourer le lancement. Bertrand Gestas pose par ailleurs une question importante qui est celle du moment où intervient le choix de façade peinte. Le matériau adopté pour le revêtement des murs, de la brique, la pierre étant réservée pour les éléments de structure et les parties ornementales, ne lui semble pas en effet un vêtement adapté pour y rapporter un décor à fresque. Et il est vrai que cet appareillage disparaît pour les nouveaux pavillons élevés après 1684, donc du côté de l'entrée et du côté des offices, au profit du moellon enduit. Est-ce donc que la polychromie pourrait n'être qu'un enrichissement apporté au cours des travaux? Personnellement, ça me semble un peu difficile à concilier avec ce qu'on sait de la chronologie du chantier, de même qu'il me semble difficile d'imaginer que le roi ait pu songer à laisser des façades aussi dépourvues de tout décor. Mais sans doute, Claudia Hartmann, qui va intervenir tout à l'heure, reviendra-t-elle sur cette question de la jeunesse du château et des évolutions du projet d'origine. Un autre point qui resterait à approfondir est celui de l'influence de Marly, même si le sujet était approché déjà ici ou là, notamment par Pierre Niclair dans un article du Vieux Marly, paru en 1963, quand l'univers rêvait de Marly. À cet égard, je pense que l'après-midi de demain, avec des exposés sur plusieurs sites, des sites danois, des sites espagnols, comme la Grande Ha, où sont intervenus de nombreux artistes français, dont certains étant intervenus à Marly même, Chatsworth en Angleterre. Donc je pense que ces exposés devraient apporter d'utiles éclairages. Ces journées devraient être plus largement l'occasion de faire un état de la recherche sur Marly et d'ouvrir des perspectives, comme l'annonçait Madame Pégard, pour les années à venir.